Chapitre 20e. La blessure, en effet, n'était pas mortelle. L'épée avait pénétré profondément, mais sans intéresser le poumon. L'abondante effusion du sang avait prévenu l'épanchement interne, toujours très redoutable dans ces cas de blessure par arme blanche. Au bout d'un mois, la plaie était cicatrisée et toute crainte de complications écartée. Henri renaissait doucement. Pendant 30 jours et 30 nuits, Jacques ne s'était pas couché. Dans cette nature généreuse, le repentir suivait de près la faute, et le remords revêtait la forme d'un sentiment impérieux et violent. Dès l'instant où il vit son ami tomber devant lui, la poitrine trouée, Henriot eut horreur de lui-même. Pendant les longues heures qu'il passa au chevet du blessé, surveillant avec la sollicitude d'une mère pour son enfant le sommeil de Henri, son appareil, que les mouvements inconscients de la fièvre ou du rêve dérangeaient sans cesse, sa respiration, tantôt égale et tantôt précipitée, la température de son corps, froid ou brûlant, Jacques fut en proie à l'horrible souvenir de cette nuit de meurtre. Il disait au docteur, mis dans la confidence de tout, que jamais il ne se pardonnerait d'avoir provoqué Mareuil à ce combat fratricide, et le jeune médecin eut toutes les peines du monde à lui prouver qu'un duel, même aussi déplorable que celui-là, n'a point caractère d'assassinat. « Mais calmez-vous donc !» disait Pasqualucci. « Sortez, prenez de l'exercice, ou couchez-vous dans l'autre chambre et dormez, tandis que je suis de garde. Vous finirez par tomber malade à votre tour, ils n'en seront bien avancés. » Plus d'une fois, Mareuil unit ses instances à celles du médecin. « Tu dois être mort de fatigue, mon pauvre Jacques, disait-il d'une voix faible, mais pleine de tendresse. Repose-toi donc, je t'en supplie. Tu vois que je suis tout à fait bien. » Et que je pourrais me lever dans quelques jours, n'est-ce pas, cher docteur? Sans doute, mais il faudra de la prudence, car vous êtes très affaibli par la perte de sang. Et Jacques se détournait pour cacher une larme. Henri alors l'appelait doucement, lui tendait sa main blanche et amaigrie. Jamais il ne se serait autant aimé que depuis ce moment terrible où ils avaient failli s'entretuer. Quand l'amitié survit à ces crises violentes, où il semblait qu'elle dût périr, quelque chose de suave sort d'elle et nous pénètre. De même, certaines fleurs exhalent un parfum plus doux après l'orage. Mareuil avait expressément recommandé de cacher la vérité à tout le monde, même à son père. « À quoi bon l'inquiéter ? » disait-il. « Dans 6 semaines, je serai à Rouen, auprès de lui. Mieux vaut qu'il ne se doute de rien, ni lui, ni personne. » Pour prévenir les soupçons des autres locataires de la maison et des quelques connaissances que les jeunes gens avaient, soit à l'académie, soit dans la ville. Il fut convenu qu'on répandrait discrètement le bruit d'un accident d'escrime sans gravité. Pasqualucci se chargea de la chose, et sa qualité de médecin fit accepter sans la moindre difficulté les explications qu'il donna sur l'origine et la gravité de la blessure. On admit aisément qu'elle provenait de la rupture d'un fleuret au cours d'un assaut entre les deux jeunes gens. L'intimité de Jacques et de Henri rendait d'ailleurs bien peu vraisemblable l'hypothèse d'un duel. Vers la fin de la première quinzaine de janvier, le docteur permit une promenade en voiture sous un de ces beaux soleils que ne connaît pas, à pareille époque, notre triste ciel du Nord. Ils se firent conduire dans la campagne du côté de Frascati, dont les maisons blanches mouchetaient au loin les premiers contreforts des monts Albins, comme des moutons épars dans les prés ou au penchant d'une colline. Henri s'abandonnait silencieusement à la jouissance intime de sentir ses membres alanguis, vivifiés par la bonne chaleur du soleil, et d'offrir son visage aux caresses rudes du grand air, qui colorait enfin ses joues. Quand le corps vient d'échapper à la destruction, une joie obscure circule confusément en lui, joie de la matière qui répugne à la dissociation de ses éléments et redoute les mystérieuses métamorphoses qu'elle presse après la mort. Quelque chose s'épanouit en nous. Du fond de notre être monte, comme une alouette vers le ciel, un hymne de reconnaissance à la lumière et à la vie. Depuis la nuit du duel, pas une seule fois le nom d'André n'avait été prononcé entre les deux amis. Jacques détournait d'elle sa pensée avec une sorte d'horreur. Aussi eut-il peine à retenir un mouvement de répulsion lorsqu'Henri lui dit tout à coup « Si nous parlions un peu d'André, mon bon Jacques, qu'en dis-tu ?» Et sans se laisser arrêter par l'expression de vive contrariété qui parut à ces mots sur le visage de son ami, « Il le faut, je t'assure. Cela est nécessaire au rétablissement complet de notre amitié, qui vient d'être plus malade encore que je ne l'étais moi-même. » le meilleur moyen de lui éviter une rechute de rancune, qui l'emporterait peut-être, c'est de causer à cœur ouvert. Si je l'avais fait plus tôt, j'aurais prévenu l'odieuse querelle qui nous a mis l'épée à la main, et j'épargnais ainsi, à moi, une égratignure, ce qui n'est rien, mais à toi, mon cher ami, des remords, ce qui est beaucoup. Veux-tu m'écouter, dis. Ne crains-tu pas de te fatiguer à parler ainsi en plein air? Tu es encore si faible, et Pasqualucci nous a tant recommandé la prudence. Bah, les rechutes que je crains ne sont pas celles dont tu parles. Et si j'étais sûr que tu fusses rentré aussi complètement en possession de la santé que de mon amitié, je ne m'inquiéterais guère du reste. Sois donc tranquille, grande sœur de charité. Dans 15 jours, je me porterai mieux que toi, qui es épuisé de fatigue. Y a-t-il longtemps que tu ne t'es regardé à la glace? Tu as une mine horrible. Enfin, au besoin, je te soignerai à mon tour. Nous serons alternativement malades, puis infirmiers. Castor et Pollux n'auraient pas fait mieux. Suis-je assez classique, hein? Ne trouves-tu pas que dans ce pays l'air est plein d'antiquité? Positivement, on respire de la mythologie à Rome. Oui, et de la malaria. Rentrons. Il commence à se faire tard. Nous causerons une autre fois. Non, non. Je ne veux plus qu'il y ait entre nous la moindre équivoque. J'ai encore sur le cœur les reproches sanglants que tu m'adressais à une heure inoubliable. Il est temps que tu saches qui a été le plus coupable, de moi ou d'elle. » Et il raconta tout ce qui s'était passé au Charmy. Ses premiers entretiens avec André, le commerce littéraire qu'ils avaient noué, leur promenade dans la forêt, dans le parc ou sur la Seine, l'art perfide que la jeune fille avait mis à le troubler, à le séduire par tous les moyens, en flattant sa vanité, en grisant son imagination, en allégeant sa conscience de scrupules, si bien qu'un soir, dans une minute d'égarement, presque de folie, il était tombé aux pieds de la dangereuse enchanteresse. « Le reste, disait-il, tu le sais. J'ai quitté les Charmy le lendemain même, et après quelques jours passés à Paris, je suis venu te retrouver. J'avais songé à tout avouer. Mais tu connais ma maudite nature avocatière. Déjà, et c'est là ma véritable faute, celle que je ne me pardonne pas, j'avais su me persuader que ton intérêt seul me retenait au Charmy. Quand j'aurais dû voir clair en moi-même, moi qui sais si bien analyser les autres. Lorsque l'idée de te faire cette confession indispensable s'est présentée à mon esprit, j'ai trouvé, comme toujours, hélas, d'ingénieux sophismes pour la mettre en fuite. Je me suis dit qu'en te révélant ma faiblesse et ma faute, je portais notre amitié un coup dont elle ne se relèverait jamais. Au lieu de penser que ta droiture me saurait gré de ma franchise, et qu'une loyale explication effacerait tout. Qu'est-il arrivé? C'est que, n'ayant pas eu le courage d'arracher jusqu'à la dernière racine de cet amour, je le sentais repousser sourdement. Ah, ces mauvaises herbes du cœur, comme elles sont tenaces! C'est alors que j'ai trouvé à la poste cette lettre écrite 2 mois auparavant. 2 mois auparavant? S'écria Jacques. Mais elle n'était pas datée. Oh! André ne date pas plus qu'elle ne signe, c'est trop bourgeois. On doit reconnaître que c'est elle à l'écriture, à la forme de l'enveloppe, au parfum du papier, au style, que sais-je. Mais tu n'as donc pas vu le timbre de la poste? Elle doit avoir envoyé ce billet à Rouen le lendemain ou le surlendemain de mon départ. Ainsi, quand tu annonçais ton intention de quitter Rome, ce n'était pas pour te réconcilier avec elle et l'épouser? Moi? Pas du tout. Qu'il eût encore chez moi à ce moment-là un désir inavoué de la revoir, c'est bien possible. Mais ce que je voulais surtout, c'était mettre un terme à notre vie en commun, que tu semblais prendre à tâche de me rendre intolérable. Rappelle-toi ton humeur. Évidemment, tu me soupçonnais déjà. Je le sentais à ce que tu disais, surtout à ce que tu ne disais pas. Et ayant perdu par ma faute l'occasion d'en finir avec ce secret qui se dressait à tout moment entre nous, je songeais à partir, laissant autant le soin de dissiper le nuage que je voyais grossir. Quant à me proposer, comme tu l'as cru, de reprendre l'intrigue au point où je l'avais laissé en quittant les Charmy, le bon sens, à défaut de l'honneur, me l'interdisait. Connais-tu donc si peu André, que tu la crois capable, elle, offensée déjà par ce brusque départ, de me pardonner l'affront que j'ajoutais à cette première injure, en ne répondant même pas à son appel? Mais souviens-toi donc des mots menaçants qui terminent sa lettre. C'est une sommation non équivoque d'avoir à venir immédiatement implorer ma grâce, sous peine d'encourir sa colère et son mépris. Et que penses-tu qu'elle soit devenue depuis lors? j'ai reçu deux ou trois billets de M. de Garamante, qui ne me parle même pas d'elle. Ma foi, tu m'en demandes trop long. Je puis t'affirmer seulement qu'elle doit me haïr de toutes ses forces. Va-t-elle enfin prendre un parti et se décider à épouser soit de Morincourt, soit un autre, je l'ignore. En rapprochant ce que tu m'as dit des renseignements qui m'ont été fournis par le comte sur ce Morincourt, je suis assez disposé à croire qu'elle finira peut-être par jeter sur lui son dévolu. Grand bien leur fasse à tous les deux. Je ne serais pas fâché de voir, de loin, comment ira ce petit ménage. Mais pardon, Jacques. Je t'afflige en parlant ainsi, peut-être. J'ai tort, sans doute, de te croire guéri par cela seul, que je le suis moi-même. Non, mon cher ami, tu as raison, au contraire. La crise que nous venons de traverser m'a du moins rendu le service de dissiper les dernières illusions que j'entretenais encore. Te souviens-tu d'avoir, à un certain moment, pendant cette nuit terrible, tendu le bras vers le portrait d'André? Hélas, je ne t'ai pas compris alors. Ce geste me disait pourtant, « Vois comme elle se rit de nous, qui nous entretions pour elle. » Et tu avais raison, je le sens bien maintenant. Oui, je suis depuis des années, comme tu viens de l'être, toi, pendant quelques mois, le jouet d'une femme qui ne méritait pas ce que nous lui avons donné. La promesse que tu m'avais faite de me détacher d'elle, Henri, tu l'as tenue. Si tu es guéri, je suis moi, libéré. Bien vrai, je te le jure. Qu'elle me soit devenue indifférente, non. Tu ne me croirais pas si je te le disais. Amour arraché ou membre amputé, c'est tout un. On le sent à de certains moments même lorsqu'il n'est plus là. Ajoute cependant qu'un bras coupé ne repousse plus, tandis que... Rassure-toi. J'ai eu depuis 6 semaines le temps de m'étudier, peut-être. C'est bien fini, va. Le souvenir même que je conserve d'elle est sans douceur. Elle n'a pas laissé en moi ce je ne sais quoi de suave. Ce léger parfum de tendresse évanouie qu'on devrait toujours pouvoir retrouver dans un coin de son cœur quand une femme a passé par là. Je me sens plein de colère. « Jacques, » dit tristement Mareuil, « j'aimerais mieux te voir plein d'oubli. Amour ou haine, vois-tu, c'est pile ou face. L'effigie change, mais la pièce est la même. » Vers 5 heures du soir, ils étaient de retour. « Comme vous rentrez tard, » dit le docteur. À cette époque, et pour un convalescent, ce n'est pas sage. Il faisait si beau, répondit Jacques, que j'ai fait passer en rentrant la voiture par les Trefontane. Les Trefontane, c'est un des endroits les plus malsains de la campagne romaine, vous avez bien choisi. Le soir, en se mettant au lit, Mareuil sentit un léger frisson. Le lendemain, il se plaignit d'avoir la tête lourde. 3 jours après, le docteur constata que la rate était devenue très volumineuse, symptôme de cette fièvre paludienne qui sévit à Rome et dans ses environs avec une si redoutable intensité. « Est-ce grave ?» demanda Jacques en reconduisant M. Pasqualucci. « Oui, à cause de l'état d'épuisement du malade. » Il essaya de se reprendre en voyant Henriot devenir affreusement pâle, mais le coup était porté. Le jeune homme fut de nouveau en proie à l'anxiété et au remords. Le 2e jour, il ne restait plus d'espoir. Le sulfate de quinine prescrit à doses énormes n'avait pas arrêté le progrès continu du mal, quand le docteur vint faire sa visite du soir. « Je doute qu'il passe la nuit. Tout est inutile maintenant. Il ne reste plus qu'à prévenir un prêtre. Courage, mon pauvre ami, je reste avec vous. » Henri était couché dans le lit de Jacques, au fond d'une alcôve que des rideaux isolaient le jour de l'atelier. Après avoir reçu les sacrements sans reprendre connaissance, il dormit d'abord d'un sommeil assez paisible, et la température extraordinairement élevée de son corps prouvait seule que la mort continuait son œuvre. Vers minuit, le délire commença. Ses bras s'agitèrent, des plaintes inarticulées s'échappaient de ses lèvres, puis on put distinguer des mots. « de l'eau, » disait le malheureux. « Un bain, dans la Seine, avec elle. » Jacques se leva brusquement et va se placer auprès du lit, prêtant l'oreille avidement. Des herbes! Ah! Son corps me brûle! Et il rejeta violemment les couvertures. Il voulait s'élancer hors du lit et faisait de grands gestes, comme pour saisir et étreindre quelque chose que lui seul voyait. Il ne fallut pas moins que la force des 2 hommes pour le maîtriser. Enfin, il retomba épuisé, brûlant, sur sa couche et parut se rendormir. « Docteur, » dit Jacques, La mémoire fonctionne-t-elle encore dans le délire? Souvent, comme dans le rêve. Un instant après, les plaintes recommencèrent et Jacques se rapprocha du lit. Penché sur Henri, il examinait avec une douleur indicible la face luisante et les joues caves de son pauvre ami, lorsque Mareuil se dressa tout à coup sur son séant, les yeux démesurément ouverts et brillants d'un feu extraordinaire. Il saisit avec force le bras de Jacques, et de l'autre main il dessina le geste d'un homme qui fait signe d'écouter. Puis il parut prêter attentivement l'oreille et resta immobile, tandis que les deux hommes qui le regardaient se sentaient envahis par une sorte de terreur superstitieuse. Tout à coup il tendit le bras vers un coin sombre de l'atelier et dit d'une voix sourde en scandant tous les mots « Jacques, Jacques, regarde, elle est là, devant toi, tout en blanc, écoute, elle joue du piano, entends-tu ?» Il s'arrêta un instant puis poussa un cri aigu, terrible, qui résonna lugubrement dans le silence de la grande pièce. « Ah ! La marche funèbre !» Elle se renversa sur ses oreillers, en proie à un épouvantable accès qui fut le dernier. « Tout est fini, » dit le docteur à Henriot. « Vous ne pouvez pas rester ici. Descendez chez moi. Préparez un télégramme pour la famille. Je vais m'occuper du reste. » Jacques se laissa emmener sans observation. Le désespoir, l'émotion l'avaient brisé. Il se répétait machinalement, comme il l'aimait encore. Il écrivit à M. de Garamante. « Je me suis battu avec Henri. Il vient de mourir moins de la fièvre romaine que du coup d'épée qu'il a reçu de moi. Plaignez le plus misérable des hommes. » Le lendemain, il conduisit au Campo Verano le corps de son ami. M. Mareuil père ayant télégraphié que l'état de sa santé ne lui permettait pas d'entreprendre un si long voyage et qu'il consentait à l'inhumation de son fils à Rome.